Welcome, bienvenue à bord de la croisière Folk. Aujourd'hui, la mer est couverte de nuages gris, tout comme mon nez d'ailleurs, qui reste désespérément bouché. Mais qu'importe la grisaille, car notre escale musicale est placée sous le signe de la grâce et de la puissance au féminin. On vous propose aujourd'hui une programmation 100% féminine pour réchauffer l'atmosphère et illuminer cette journée maussade. Et pendant que mon chat dort paisiblement, laissez-vous emporter par ces voix sublimes qui célèbrent la folk sous toutes ses formes. Et on a démarré avec Brooke Welch et Clouds. Elle est originaire de Stoke-on-Trent et elle n'avait que 15 ans lorsque son père l'a accompagnée pour une performance inoubliable dans le nord du Pays de Galles. Elle a débuté le ukulélé à 11 ans, avant de se tourner vers la guitare à l'âge de 13 ans. Et cette chanson, Clouds, nous rappelle que malgré nos différences, nous sommes tous semblables. Brooke Welch, elle a une page Facebook, n'hésitez pas à la liker. On va poursuivre après ça Tout de suite donc avec Sarah Trunzo, In Your Mercy. C'est une chanteuse qui reprend cette chanson de Malcolm Holcombe. C'est une chanson poignante sur la mémoire et le vieillissement. Il faut savoir que Sarah a rencontré Holcombe en 2015 et cette chanson a pris une signification particulière lorsqu'elle a accompagné un proche qui s'occupait de sa mère atteinte de démence. Il y aura aussi Flora Flores avec TTF, car le temps défile, et Marianne Beaulieu, elle vient du Canada, avec Oh Dear. Bienvenue, c'est la Croisière Folk que vous écoutez. Un grand merci d'être là, présent avec nous. Et on salue les nouveaux auditeurs qui nous écoutent depuis la province de Liège. Oufti. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. They bring me food and water in this room is all I. But my thirsty spirit keeps me in your mercy where I go. I used to choose what made me happy, but now my weary hands are tied to a struggle. Strangers come to see me. bêtes, je les connais tes mots doux. Bien soumise, I love you, but I'm not a fool. Tu me fais mal, mon amour. J'ai flanché, succombé à ta beauté, à tes charmes, tes regards, tes rires. Bien placé, j'aurais dû m'échapper. But who am I to say? C'est trop tard, y'a rien à dire. Et je voudrais pas te mentir, y'a pas de désir sans plaisir. T'habites encore ma tête, mais j'ai plus le cœur à la fête. C'est trop tard, y'a rien à dire. Et je voudrais pas te sourire, tu resteras un souvenir. T'habites encore ma tête, mais j'ai plus le cœur à la fête. Les manchettes, les emplettes, les soirées qu'on regrette, le vino, les restos, les moments en photo, je réalise que j'étais si naïf. Car le temps défile quand je récidive. Car le temps défile quand tes yeux m'enivrent. C'est trop tard, y'a rien à dire. Et je voudrais pas te mentir, y'a pas de désir sans plaisir. Ta vie est encore ma tête, mes yeux, mais j'ai plus le cœur. C'est trop tard, y'a rien à dire. Et je voudrais pas te sourire, tu resteras un souvenir. T'habites encore ma tête, mais j'ai plus le cœur à la fête. Si téléphone à 6h du matin, si ivre que t'en oublies tes manières. Mais cette manie s'est terminée, car je ne suis plus seule sur l'oreiller. You never got me those flowers, et je m'ennuie ton odeur. You never got me those flowers. C'est trop tard, je préfère remettre les choses au clair. Je veux pas revenir en arrière. T'habites encore ma tête, mais maintenant la fête s'arrête. La croisière folk. Oh dear, if I'm being frank now, for 20 years I didn't get how. Four hands could fill an empty house. Don't you think that you get bored of my brain and how I leave the fan on? When I think for too long, then it'll come out all wrong. My ways, they were cute, right? Well, they're just fine now. Soon they'll be all bad. My head is running out of space, but I'll save all the times you said my name. You know I've waited for so long, hoping to mean the pretty words of my own song. And all my fears just got replaced. Now that I got something to lose, what if I break? I swear I couldn't stand it. Stolen glances or park benches. I dread the no go ahead man. Take the chair, I don't need an extra date. Ask, oh really, but why? I'd sit there and laugh, just help a girl out. And wonder how come I've been on my own. wish I had known that my head is running out of space. But I'll save all the times you said my name. You know I've waited for so long, hoping to mean the pretty words of my own songs. And all my fears just got replaced. Now that I got something to lose, what if I break? So will you stay? Dans la croisière folk, c'est Marianne Beaulieu avec Odir. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. Alors, en résumé, j'explique à tous ceux qui sont nouveaux, qui écoutent cette émission, ce que 1, 2, 3 est. Eh bien, en trois chansons, on vous fait découvrir un album. Et aujourd'hui, c'est l'album de la Québécoise Megan Lebel, L'Arrivée. Après avoir conquis les plus grandes scènes country du Québec, Megan Lebel, révélée lors de la 12e saison de The Voice France, revient donc avec ce EP intime et sincère qui s'appelle L'Arrivée. Ce micro-album explore des thèmes forts comme la violence amoureuse, la différence, les amours impossibles et l'amour de soi. À travers une écriture authentique et touchante, elle invite à un voyage introspectif empreint de douceur et de vulnérabilité. Il faut savoir que dans sa musique, elle alterne émotion et énergie. Elle revisite également des classiques et offre un hommage vibrant à la résilience. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur Megan Lebel, sachez qu'elle est sur Facebook et sur Instagram. Et je vous propose trois chansons de ce EP. Sous le même ciel, Passer au travers et À la maison. 1, 2, 3, lancez la musique. Je me souviens très bien encore des mots que tu m'as dit. Dans le creux de mon épaule où le vent froid y jaillit. J'ai toujours les mêmes frissons qui parcourent le long de mon corps. Celui qui autrefois c'était tien et plus encore. J'ai gardé l'habitude de te faire une place dans mon lit, juste au cas que tu reviennes un matin ou tard la nuit. Je trace le portrait de nous qui s'est décoloré. Et pendant que nos cœurs se dénouent, moi j'oublie de t'oublier. Plus le temps avance, plus j'oublie les détails. Ta voix m'a tout lâché, j'échappe toutes les retailles et ça me fait peur. Ce qui se doit se retrouvera. cette chanson en espérant que tu l'entendes et que tu rentres à la maison. Mais d'ici là, je me suis promis que ce serait la dernière fois que j'écrirai une chanson sur toi. Un, deux, trois. Mon quartier demi paraît trop grand pour un petit cœur. Je sens encore dans mon lit ta place et ton odeur. J'ai l'impression que le soleil ramène moins de chaleur. Et en fixant le miroir, je me dirai ces mots. Je le sais, ça va être dur, mais je vais passer au travers. Je m'ennuie de tes yeux pis de tes manières, mais je vais passer au travers. Et si tu crois que je t'aime encore, eh bien c'est peut-être vrai, mais je ferai de mon mieux pour m'en sortir. Grande et fière, j'ai repeint les murs de mon appartement d'une couleur pour camoufler tous nos souvenirs d'avant. J'ai enlevé une par une des photos sous les aimants. Et en fixant le miroir, je me dirai ces mots. Je le sais, ça va être dur, mais je vais passer au travers. Je m'ennuie de tes yeux pis tes manières, mais je vais passer au travers. Et si tu crois j'ai oublié quelque chose pour y retourner. J'ai maintenant moins peur du noir que j'ai peur de ton ombre. J'ai moins peur du froid que du son de ta voix. Ce soir, oui, ce soir, je rentre à la maison. Ce soir, oui, ce soir, je rentre pour te pendre. Nos tempêtes ne me font plus rien, car les plus grandes sont dans ma tête. Entre mon cœur et la raison, trop d'accords sans chanson. Je te connais par cœur, je sais ce qui te fait vibrer. Mais quand je me retrouve face au miroir, j'oublie ce qui moi me fait prier. Ce soir, oui, ce soir, je rentre à la maison. Ce soir, oui, ce soir, je rentre pour de bon. Ce soir, ailleurs que dans tes yeux. plus rentre à la maison. Un, deux, trois. Et voilà un album de plus que nous avons découvert dans cette émission. C'est l'album de Megan Lebel, L'Arrivée, avec trois chansons. Passer sous le ciel, pardon, sous le ciel, passer au travers et à la maison. Et puis maintenant, voici la petite partie de l'émission où on vous réserve de la poésie. C'est une poésie de Gérard de Nerval qui s'appelle « Dans le bois » et c'est lu par Isabelle Carré. Alors ce poème évoque une errance mélancolique et contemplative en pleine nature où l'auteur cherche un apaisement face à ses tourments intérieurs. Il y mêle une atmosphère onirique et une réflexion sur la suite du temps. Le poème fait partie du recueil « Eau de Lettres » qui a été publié en 1853 où Gérard de Nerval exprime souvent une sensibilité romantique et nostalgique. L'image de la nature y est à la fois un refuge et un miroir de ses émotions. Et puis juste après, il y aura Lorena McKennitt avec « The Lady of Shalott », extrait de son album de 2012 « Troubadour on the Rhine ». Alors « The Lady of Shalott », c'est un poème romantique du poète anglais Alfred Tennyson. Et donc c'est un poème qui a été adapté par Lorena McKennitt. Lorena qui est canadienne, il faut quand même vous le préciser. Ensuite, Lucy Kaplansky, « I know why the river run ». Et puis Suzanne Vega en live avec Lucas. J'espère que tout va bien. Sachez que si vous avez envie de nous écrire un petit mot, c'est tout à fait possible. La croisière folk en un mot, @yahoo.com. Et puis on a une page Facebook dans laquelle on publie pas mal de vidéos. La page Facebook qui s'appelle bien sûr La croisière folk. Au printemps, l'oiseau naît et chante. N'avez-vous pas ouï sa voix? Elle est pure, simple et touchante. La voix de l'oiseau dans les bois. L'été, l'oiseau cherche l'oiselle. Il aime et n'aime qu'une fois. Qu'il est doux, paisible et fidèle, le nid de l'oiseau, dans les bois. Puis quand vient l'automne brumeuse, il se tait, avant les grands froids. Hélas, qu'elle doit être heureuse, la mort de l'oiseau, dans les bois. Other care hath she, the Lady of Shalott. a bow shot from her bower heaves. He rode between the motley sheaves. The sun came dazzling through the leaves and flamed upon the brazen greaves of bold Sir Lancelot. A Red Cross knight forever kneeled to a lady in his shield, and sparkled on the yellow field beside remote Shalott. She left the web, she left the loom, she made three paces through the room. She saw the water lily bloom, she saw the helmet and the plume. She looked to Camelot. Out flew the web and floated wide, the mirror cracked from side to side. The curse has come upon me, cried the Lady of Shalott. Pale yellow woods were whining, the broad stream in his bangs complaining, heavily the low sky raining over towered Camelot. And down she came and found a boat beneath a willow left afloat, and round about the prow she rode, the lady. La croisière folk. What a wonderful world. When I reach to hold you, I'll still be alone. When I hear the ringing of the telephone, I think it is you. It will not be true. I know why could play the message that you left for me. I can hear your voice and I could still believe you will soon be. walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone with nothing broken, nothing grown. Upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And I only hit until you cry. And after that, don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. La minute astuce d'aujourd'hui nous amène dans votre cuisine. On va parler des aubergines. Et vous le savez, elles adorent se remplir d'huile. Alors pour éviter qu'elles n'absorbent trop de matière grasse lorsqu'on les fait revenir à la poêle ou qu'on les fait frire, eh bien passez-les au préalable dans la farine une fois que vous les avez coupées en dés ou en tranche. Allez, on poursuit cette programmation musicale avec Lady Moon et Robin Hood et puis Troubadour of Divine Bliss, Fly With Me. Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. La Croisière Folk. C'est absolument génial et fantasmagorique. Dearest friend, you are my Robin Hood. Take me away into the woods. Build me a home up in the highest tree. With a ring of ivy, I will crown you king. Breezes play. You know the owl and his wise old ways. Guide me, my love, and help me learn what is true. I promise that I Sanctuary of you. c'est fini. Et voilà, notre croisière touche à sa fin. Mais quelle traversée, dites-moi. Ces voix féminines que vous avez entendues ont su apporter de la lumière à cette journée grise. Et qui sait, même peut-être accélérer ma guérison. Pendant que mon chat continue à dormir comme si rien n'était, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette belle exploration musicale. Prenez soin de vous, restez à l'écoute et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle escale folk. Et on va se quitter avec Totu Meitas. Et Totu Meitas, en fait, c'est un groupe letton, un mélange de musique folk et de musique du monde. Alors, la Lettonie, pour vous la présenter un petit peu, c'est un peu moins de 2 millions d'habitants. La capitale est Riga. Elle est membre de l'Union européenne depuis 2004. Et environ la moitié des Lettons, soit a suivi des cours d'une école de musique, soit chante dans un chœur, soit sait jouer d'un instrument de musique. Voilà, comme ça vous savez tout. Et on écoutera Vina Utrai, autrement dit en letton, ça veut dire pour les amateurs de vin. Et cet extrait de leur album de 2022, dont je ne vais pas prononcer le nom en letton, mais bien en français, eh bien, c'est l'album de 2022 qui s'appelle Défilé. Je vous remercie, bien sûr, de nous avoir suivis, comme d'habitude. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Bon, parfois, on se pète la gueule. Ting. Mais ça vaut le coup. J'ai glissé, chef. De toute façon, je m'en fous, parce que comme ça, moi, je peux rentrer à ma maison. C'est pas que j'en ai rien à foutre de vos histoires, mais je dois visionner la saison 17 des Feux de l'amour, parce que j'aime bien ça en VO. La croisière folk. To infinity and beyond! Thank you.